Wesh, salut Louveteau. Vous êtes bien sûr 89.5, c'est le troisième dimanche du mois, et donc c'est joie, rage et courage. Mais joie, rage et courage, c'est quoi ? Eh ben, c'est une petite heure d'émission, tous les mois, les troisièmes dimanches. Et puis, normalement, il y a un thème, normalement, il y a des interviews, des sons, des mix, des trucs, du bordel, des morceaux, des hésitations, de la discute, bref, la vie, quoi. Mais, normalement, ça veut dire quoi ? Mais, bah, normalement, ça veut rien dire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça improvise un petit peu. Aujourd'hui, il n'y a pas de thème, par exemple. C'est un peu du tout, du bric-à-brac, empilés les uns sur les autres, et qui vont constituer une petite heure d'émission sur les 89.5. Et oui, sur ce générique composé par le groupe Coxis, le morceau qui s'appelle Morse, hein, je le signale pour les personnes qui le demandent. Et aujourd'hui, effectivement, un petit pêle-mêle, un petit brouhaha. Ça recommence. Et vous avez des problèmes des fois avec les gardiens de la paix, non ? Franchement, j'aime bien emmerder les flics. Hein. Ouais. Ça, je le dis, j'aime bien emmerder les flics. Thank you. Voilà, on a commencé par un petit James Brown et avant d'enchaîner, un petit message, car cette année, c'est les 42 ans de Dio, voilà la 40e année de l'ouverture des bandes anciennes, mais les 42 ans de Dio, car Dio a commencé en pirate, et il est important de garder ça en tête. Et donc, et ben, cette année, fin mai, préparez vos agendas, car à partir du 24 mai, pendant deux semaines, il y aura plein de choses sur l'antenne, des émissions spéciales, des mix, des trucs. Bref, soyez attentifs et attentives. Ça va être pas mal, il me semble. Voilà. Et ben, on enchaîne par un autre son et puis après par un petit morceau. Hop, allez, c'est parti. L'enseignement d'abord s'inscrit dans tout un système d'éducation. En quelque sorte, c'est un système de conditionnement. Conditionnement à devenir plus tard telle ou telle profession. Ça s'inscrit dans ce système, il y a toute l'éducation, les jouets, les choses comme ça. Ça tend à nous conditionner à devenir plus tard pour les femmes mères de famille, les poupées, les choses comme ça, éducation, comment on appelle ça, les travaux manuels, de couture, etc., réservés aux filles. Ça s'inscrit dans tout ce système-là. Vous n'êtes pas d'accord, si je comprends bien, avec l'enseignement qu'on vous dispense? Non, non. Et sans ça, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Vous distraire de quelle façon? Amuser, danser, flirter, boire. Vous lisez un peu? Non, oh non, ouais, non. Les cow-boys. Les cow-boys. Ouais. Et vous avez beaucoup de camarades? Oh oui, oh là. Oh là oui, et oh oui, on a plein de camarades et on aime beaucoup s'amuser. Et bordel, qu'est-ce que ça nous manque. Alors du coup, et ben voilà un petit message, car le carnaval revient cette année. Ce sera le 1er mai, lors de la manif habituelle. Et du coup, et ben préparez toutes et tous vos déguisements, vos habits d'apparat. Ça va être le grand défilé. Voilà, on va peut-être, je propose de lire le texte, un texte trouvé pour annoncer le carnaval. Samedi 1er mai se déroulera l'annuelle fête du travail, mais comment fêter le travail dans le monde quand la précarité enfle que l'accès à l'emploi dégringole, que les emplois valorisés se trompent de futur et sont inutiles et destructeurs du point de vue des problématiques sociales et écologiques, que la machine se fait une place partout en oubliant sa promesse de libération des travailleurs et travailleuses, quand certaines burn-out pendant que d'autres crèvent d'être précaires, quand certaines bénévoles à temps plein et crèvent d'être précaires, quand certaines colorent nos mondes et imaginaires et crèvent d'être précaires. Pendant que nous sommes incapables d'assouvir nos besoins primaires sans argent, le temps passe et tout part en brioche, la terre, les liens, ses filoches. Alors que fait-on? Alors où se trouve la richesse? Alors haut les cœurs. Ceci est un appel à transformer nos frousses, nos colères, nos tristesses et nos pertes de repères. Que ce 1er mai marque la fin d'une période absurde qui soit le lieu de nos revendications actuelles et indispensables. Que les rôles soient réinventés, que les rêves débordent partout, produisons, diffusons. Et c'est bon, creusons les chemins de désir et que ceux-ci s'enracinent. Plus leur monde s'enlidiront, plus nous répondrons par le grandiose, par la beauté, plus nous transformerons la merde en futur souhaitable. À vos costumes, vos chars, vos instruments, le 1er mai sera festif et carnavalesque. Donc ben voilà, un appel à l'échant. Et on s'y retrouvera très certainement. Et puis on en parlera peut-être. Voilà, voilà. Allez, un petit son en lien et après un petit morceau. Allez, c'est parti. Jourage et courage. C'est le seul jour de l'année où l'on peut à loisir multiplier les voyages éclairs et les rencontres diplomatiques. Le masque a fait de gros progrès. En matière plastique souple, il permet aux grands enfants que sont les adultes de figurer pour quelques heures parmi les vedettes de l'actualité. Pour 38 francs, vous pouvez ce soir en rentrant jouer avec votre femme au devine qui vient dîner ce soir. L'effet serait moindre avec le traditionnel masque dur en carton mâché qui coûte à peu près 10 francs, mais avouez que la différence en vaut la chandelle. Ça c'était Accidente, le groupe madrilène, voilà, que dans leur dernier morceau qui est sorti cette année, enfin l'année dernière. Voilà, et ben on va introduire le prochain thème avec un petit sample encore, vous aurez compris, il y a plein de petites pastilles. se rencontre un rat dans un couloir et qu'il est en train de fuir quelque chose et que ce rat n'a pas la place pour passer à droite ou à gauche de toi et qu'il s'arrête et qu'il te regarde, eh bien ce rat-là, pour passer, il te mordra, quoi. Si tu lui laisses la place, il passera. C'est la première des lois, c'est la loi de la survie. Par-delà toutes les normes de la société, quoi. Franchement, quand t'es en train de crever au fond d'un trou comme un chien, franchement, toutes les lois, t'en as franchement, alors, franchement, rien à foutre. Ça, c'est un extrait du documentaire « Ne me libérez pas, je m'en charge », un documentaire sur Michel Vaujour et la vie, le parcours carcéral de Michel Vaujour. Voilà. J'ai choisi ce petit son pour introduire un thème sur ce qui s'est passé à l'Atalo ce mois-ci. Voilà, le mois dernier, on avait parlé de la mutinerie à La Valla. L'émission n'est pas encore en ligne sur le site de Joie, Rage et Courage. C'est le site, je rappelle l'adresse, joie-rage-et-courage.noblogs.org, mais ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une nouvelle mutinerie dans le coin, et donc à l'Atalo. C'était le week-end de Pâques. Ils étaient 43 à refuser de remonter après la promenade. Cela a duré 3 heures. Il y a eu une intervention des Eris. Les Eris, c'est les espèces de bandes armées qui écagoulées, qui viennent faire le coup de poing pour rétablir, entre guillemets, l'ordre dans les maisons d'arrêt où il se passe des révoltes. Et en ce moment, il y en a un peu partout. Notamment dernièrement à Valence. En tout cas, voilà, il y a eu donc intervention des Eris qui sont restés plusieurs jours là-bas, et plusieurs personnes, après au moins deux personnes, ont été transférées dans d'autres tôles. Suite à ça, ben, les matons, comme d'habitude, ont communiqué, ont pleurniché, vu que c'est la principale chose qu'ils savent faire. Et du coup, voilà, en solidarité à l'extérieur, un feu d'artifice le soir même a été tiré. Voilà, plutôt une jolie réponse. En tout cas, on va vous lire un témoignage qui est sorti sur Interchouette. Je vais vous le lire. Suite au refus 1, donc nouveau témoignage d'une proche de détenue de l'Atalo suite au refus de remonter de promenade de la semaine dernière. Pour répéter qu'il y a de nombreuses raisons de manifester son ras-le-bol. Pourquoi est-ce que nous, on nous coupe de nos proches? C'est n'importe quoi. Les matons, ils vont à l'extérieur et quand ils fouillent les détenus, ils les touchent bien. En plus, derrière ces plexiglas, il faut crier, on n'entend rien. Et puis, ils font des travaux à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, c'est dégueulasse. J'y allais il y a 20 ans en arrière pour voir le père de mes enfants. Et je trouve que rien n'a changé. Les détenus ne sont pas des chiens, ils n'ont pas à vivre dans la saleté, dans la rouille. Le plus important pour eux, ce n'est pas les détenus. J'aimerais bien voir les matons ou le directeur vivre dans ces conditions. On verrait bien si eux aussi ne feraient pas des manifestations. Ils ont encore des douches collectives et vivent dans la saleté. Le directeur, lui, il s'en fout, il voit sa famille et il a certainement un bureau tout neuf. Quand on ramène du linge, c'est souvent des problèmes. Certains laissent passer, d'autres font enlever ceci ou cela, alors que c'est les mêmes vêtements. En gros, dans toute cette histoire, ils les prennent pour des chiens, ils oublient que ce sont des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils ont un casier judiciaire qu'ils n'ont pas le droit de couper les liens avec les proches d'une mère, avec ses enfants, etc. Ce n'est pas humain. Donc ce témoignage a été publié sur la page Facebook Info Prison Saint-Étienne. On mettra le lien, et puis ils ont aussi un blog, Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes à l'intérieur, si vous en connaissez, si vous avez eu des infos, n'hésitez pas à envoyer vos messages pour que ça puisse être su, connu, diffusé, soutenu. Voilà. On mettra le lien de cette page Facebook et de ce blog. Des textes ont aussi été postés sur le numéro 0.info. Et voilà, que dire sur ça? Toute notre solidarité avec les personnes incarcérées. Et puis, je vais passer un extrait, un petit sample d'une intervention de Foucault. Hein, et puis après, on reparlera vite fait de la prison. Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi ils servent? Si j'étais méchant, bon, moi je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors au fond, quand le juge demande à l'accusé de se reconnaître coupable, d'accepter sa faute, littéralement de s'humilier devant lui, au fond, le juge, on a l'impression qu'il veut effectivement piétiner l'accusé. Moi, je dirais, c'est tout le contraire. Il lui demande un formidable service. Il demande à l'accusé de lui dire au fond ceci. Eh bien, oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens. Et par conséquent, si je réclame ma peine, c'est donc moi qui me punis moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge. Eh bien, c'est cela que le juge veut obtenir, c'est ce discours qu'il veut obtenir, ce discours qu'il innocente lui-même, que le juge veut obtenir quand il demande à l'accusé de montrer qu'il acceptera effectivement sa punition. Voilà, c'était Foucault. Désolé pour la qualité sonore du sample et le petit problème de compression là. Donc voilà. Autre info, vite fait, prison. Dans les médias, ils ont parlé l'été dernier des arrestations de Roby avant l'été et puis pendant l'été de Carla. Deux personnes arrêtées près de Saint-Étienne pour deux histoires différentes, mais envoyées en Italie. En tôle pour deux affaires différentes, mais donc pour info, Roby avait été libéré entre guillemets, toujours sous contrôle il y a quelques temps, et puis Carla a été pareil mis en domiciliari, c'est-à-dire elle est enfermée à l'extérieur. Il y a une semaine, deux semaines, du coup, quelques nouvelles. En tout cas, on pense bien à eux. Et puis, sauf que la liberté, c'est pas encore ça. Et il y a encore une longue route pour eux et elles. Et en tout cas, tant qu'il y aura d'autres personnes incarcérées, la lutte continue. Donc voilà, pierre par pierre, mur par mur. Plexiglas par plexiglas, nous détruirons les prisons. Allez, un petit morceau, et c'est pas fait exprès, mais ça s'appelle Façade, voilà, de Limpwist. C'est parti. Let's go. avec les gardiens de la paix, non ? Franchement, j'aime bien emmerder les flics. Hein. Ouais. Ça, je le dis, j'aime bien emmerder les flics. Oh, que je te comprends. Et voilà, cet sample, comme plusieurs, ont été trouvés par hasard dans les archives de l'INA, une source... un puits profond, on trouve plein de petites perles, voilà. Voilà, et donc, pourquoi avoir passé un morceau de Limp Wist ? Eh bien, Limp Wist, c'est un groupe de hardcore américain, voilà. Et la particularité, c'est qu'ils font la plupart de leurs morceaux, voire tous les morceaux, je sais pas exactement, traitent de la condition des personnes gays dans la vie, et puis notamment dans la scène hardcore. Et ils font une brève apparition sur un doc qui s'appelle Queercore ou Homocore, je ne sais plus. Un documentaire qui est visible sur le site d'Arte. Un documentaire qui traite de la naissance de cette scène aux États-Unis. Alors, bon, il y a des trucs un peu bizarres, mais globalement, il y a des trucs vraiment super réjouissants. Il y a des trucs, des images d'archives, des interviews, des trucs sur les zines, etc. Bref, c'est vraiment, ça donne la pêche et ça donne envie de refaire des concerts et de retourner des trucs comme ça. Et rappelons que sur Synthé, il y a le Bill Bokeh hein, qui font leur permanence. Où on peut trouver des fanzines et tout ça. Donc voilà. Vous êtes toujours à l'écoute de Joie, Rage et Courage. Une émission qui sera raccourcie, une petite émission, avec pas de thème, mais plein de brouhaha. Voilà, 89.5, ma gueule. C'est parti pour une autre petite perle de l'INA. Alors, hop, il faut juste... que ça marche, c'est parti. Et ben ça ne marche pas. Hop, on va réessayer de ce côté-là, désolé. Grève générale. C'est quand les généraux sont en grève ? Oui. Cathy, qu'est-ce que c'est qu'une grève générale ? C'est quand les généraux sont en grève ? Oui. Pascal, qu'est-ce qu'un capitaliste ? Un habitant de la capitale ? Oui. Edek avec le morceau Aga, voilà, c'est encore des très bons souvenirs de concert et ça manque. Voilà le dernier petit son que je voulais passer.

Des cow-boys. Les cow-boys. Ouais. Et vous avez beaucoup de camarades? Ah oui, oh là là. Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, c'est ainsi que se termine Joie, rage et courage pour ce mois d'avril. Promis, super vite, l'émission sera mise en ligne, ainsi que l'émission précédente sur la mutinerie de la Valle Angers. Sur le blog joie, rage et courage.noblogs.org. Joie, rage et courage.noblogs.org. On mettra également les liens de plein de choses. On pourra mettre en lien le documentaire Les Lascars du Lapé électronique, les différents textes et sources de l'émission du jour. Et donc voilà. Vous pourrez écouter également. On vous invite également à écouter sur le site de Radio Duo un podcast d'une émission Dimanche Solidaire avec une émission faite par plusieurs émissions où on cause des luttes actuelles en situation de Covid et notamment il y a un texte sur la situation de la prison à La Tallo. Bref, voilà, donc on en profite aussi pour faire une dédicace et un salut aux personnes incarcérées à La Tallo et ailleurs. Et puis bah voilà, une pensée à toutes les oreilles, petites ou grandes, qui nous écoutent. Et puis ben voilà, rendez-vous le 16 mai pour la prochaine émission de Joie, Rage et Courage. Tant qu'on y est, vous pouvez nous envoyer des mails sur notre boîte mail clapclap@riseup.net. Voilà, on essaiera d'y répondre. Et puis en plus là, si vous avez des sources, des idées, des contacts. Une émission sur l'industrie sylvicole, la déforestation, la question de tout ce qui est capitalisme arboricole est en préparation. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer des témoignages. Et puis on fera une émission spéciale à l'occasion de l'anniversaire de Radio Dio sur les gens qui me foutent le zbeul sur la bande hertzienne. Donc voilà, l'idée c'est de faire des récits d'émissions de radio qui ont ou qui font la bande hertzienne, une bande hertzienne rebelle. Voilà. Et ben gros bisous à vous tous et donc rendez-vous le mois prochain. Et en attendant, ne soyez pas trop sages et restez à l'écoute du 89.5 ma gueule.